Du 22 au 26 mai, le département de Meurthe-et-Moselle organise la 16e édition des rencontres départementales de lutte contre les discriminations, égalité, fraternité, agissez, à l'hôtel du département et dans les 6 territoires de Meurthe-et-Moselle. Cet événement met en lumière cette année un univers qui compose notre quotidien et qui va prendre une place encore plus conséquente dans notre avenir, le numérique. Cette manifestation s'adresse aux petits comme aux grands sous la forme de conférences, d'ateliers et d'expositions, près de 70 événements sont attendus. Retrouvez le programme complet sur www.meurthe-moselle.fr/FA2023.